50 languages. 54. 54. 54. التسوق. التبضع. Faire du shopping. Faire du shopping. أريد أن أشتري هدية. Je voudrais acheter un cadeau. Je voudrais acheter un cadeau. ولكن ألا تكون مكلفة؟ Mais pas trop cher. Mais pas trop cher. ربما حقيبة يد. Peut-être un sac à main. Peut-être un sac à main. ما اللون الذي تريدينه؟ Quelle couleur désirez-vous? Quelle couleur désirez-vous? أسود, بني, أم أبيض. Noir, brun ou blanc? Noir, brun ou blanc? حقيبة كبيرة أم صغيرة؟ Un grand ou un petit? Un grand ou un petit? ممكن أن أرى هذه؟ Est-ce que je peux voir celui-ci? Est-ce que je peux voir celui-ci? هل هي من جلد؟ Est-il en cuir? Est-il en cuir? أم هي من مادة اصطناعية؟ Ou en matière synthétique? Ou en matière synthétique? طبعا من جلد. En cuir véritable. En cuir véritable. وهي من نوعية جيدة للغاية. C'est de la très bonne qualité. C'est de la très bonne qualité. والحقيبة ثمنها مناسب جدا. Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. Il me plaît bien. Il me plaît bien. Je le prends. Je le prends. Puis-je éventuellement l'échanger? Puis-je éventuellement l'échanger? بالطبع. Bien sûr. Bien sûr. سنغلفها لك كهدية. Nous vous faisons un paquet cadeau. Nous vous faisons un paquet cadeau. الصندوق هناك. La caisse est par derrière. La caisse est derrière.